Arca Firmata. L'épidémie s'étend sur la ville. La préfecture ouvre des dispensaires spécialisés. Le corps médical impuissant. Achetez l'intransigeant. Édition spéciale de la nuit du 14 octobre. Quelle soirée! Tu as vu les nuages au-dessus de nos têtes? Ils n'étaient pas là tout à l'heure. Brrr! C'est glacial. Cet hiver est très froid. Je me demande si c'est le froid qui nous rend tous ces gens malades depuis 2 semaines. Une sorte de méchante grippe, non? Sûrement pas. On raconte que les pauvres diables tombent dans un coma profond et qu'il faut les nourrir avec des tubes et de la soupe en permanence, sinon ils décrépissent. Certainement pas une maladie due au froid. Je pencherais plutôt pour quelque chose venu des colonies africaines. Un méchant virus tropical. D'ailleurs, Louis Pasteur aurait déclaré que son prochain institut fera aisément la lumière sur... Oula, c'est grave ça. On va se prendre une giboulée. Fin octobre, c'est une première. J'espère que ça ne va pas endommager la construction de notre... dame de fer. Ils en sont au second étage, tu vois. Elle est vraiment grande, la tour la plus haute du monde. C'est magnifique, les prouesses de l'ingénierie moderne. Eiffel et les siens promettent d'être dans les temps pour l'exposition universelle de l'année prochaine. C'est quoi ce chant au loin? Ça vient de la tour, on dirait, non? On dirait bien, je me demande. Regarde là-haut, tu vois ça? On dirait quelqu'un au second étage. C'est très loin, mais on distingue comme des éclairs qui partiraient de lui. Oh mais, la personne s'est jetée dans le vide! Elle tombe comme une pierre! Mon Dieu, c'est horrible! Mais appelle la rez-de-chaussée, vite! On a un drame à la tour! Mon Dieu, là-haut! Ceci est mon dernier chant, le plus beau sans doute. J'aurais voulu que tous l'entendent. Pernus, Rinaldo et les autres, ils seraient fiers de moi. Étonnant que je puisse vous parler en tombant et en chantant sans faire la moindre fausse note, ne trouvez-vous pas? Vous assistez à mon acte ultime, le plus important de ma jeune vie. Je me nomme Hélène de Carabas, j'étais apprentie cantatrice et je viens de sauver l'humanité au prix de ma vie. Comment tout cela a-t-il commencé, vous demandez-vous peut-être? Je pense que c'était hier, dans la matinée au Conservatoire de musique de Paris, là où je fais mes études de chanteuse d'opéra. Il y a ce professeur, M. Rinaldo Hahn. Il pense que je suis talentueuse et vient souvent me voir pour m'encourager. J'aime l'écouter et le croire, mais il semble clair qu'il n'a pas que ma carrière en tête. Ah, Rinaldo. Hélène. Quand allez-vous arrêter cette participation à ces journalistes des socialistes-là, l'intransigeant? Vous perdez votre talent, vous devriez vous concentrer plus sur vos leçons de chant. Je peux vous y aider quand vous les désirez. Monsieur Hahn, que dirait-on si l'on savait qu'un enseignant tel que vous donne des cours particuliers à une étudiante? Le scandale ne vous effraie donc pas? Hélène, vous jouez des mois, n'échangez pas des conversations. Je sais de source sûre que Pauline Viado, la grande cantatrice, va venir en personne la semaine prochaine dans notre conservatoire, choisir une jeune élève qu'elle formera elle-même pour peut-être la remplacer un jour sur les grandes scènes du monde. Madame Viado? Dans ce conservatoire? Mais elle n'a donc aucune confiance dans les écoles de chant pour créer de bonnes cantatrices? Simplement, non, en effet. Mais Hélène, c'est la chance de votre vie. Je peux introduire votre nom dans son entourage et vous la faire rencontrer séparément des autres prétendantes. Encore faudrait-il que vous soyez au meilleur de votre forme pour donner tout votre talent. Monsieur Hahn, votre sollicitude me touche. Si mes camarades pouvaient penser la même chose. Pauline Viardo... Cela risque d'être sans pitié entre les étudiants. Je refuse d'avoir un quelconque passe-droit. Il me faut une belle toilette à mettre pour cette audition. Je pense que je vais vendre encore un article et peut-être avec mes économies aurais-je assez. Hélène, je vous donne cet argent. Tout ce qu'il faut, c'est que vous vous y prépariez avec passion et... Il est hors de question d'accepter votre argent, monsieur. Je paye mes études et ma vie à Paris avec mes articles. Je peux également me payer une toilette avec. S'il vous plaît, n'insistez pas. Je ne me le permettrai pas, Hélène. Jamais. Le pauvre Rinaldo. Comme trop souvent chez les hommes, il n'y connaît rien en psychologie féminine. Je suis indépendante et celui qui m'aime devra l'apprendre sous peine de me perdre. Pour préparer mes articles, j'ai la chance de pouvoir faire appel à mon beau-frère, Pernus de Carabas, inspecteur à la préfecture de la police parisienne. Notre défunt père lui a légué son sens aigu de la chose inventée, et c'est un as du bricolage, parfois au détriment de son métier dans les forces de l'ordre. L'aide que je peux lui apporter m'est remboursée en amour fraternel et en sujet d'article. Je m'en allais donc le retrouver à son lieu de travail, sans savoir que, justement, une affaire un peu spéciale allait lui être confiée par l'illustre préfet Lozet, en personne.